Douiman. Merci de nous rejoindre sur Isanganiro. Voici les grands titres de ce journal. L'administrateur de la commune Vianda, le superviseur communal de l'Agence nationale de gestion de sécurité alimentaire à Vianda et le gérant du stock de cette agence en zone Gitsiro de cette commune ont été arrêtés. Ils sont poursuivis pour détournement de fonds destinés à l'achat des graines de maïs. Et certains députés et sénateurs s'inquiètent du mensonge des rapports d'exécution de certains projets du gouvernement. Ils l'ont dit au Premier ministre Gervain Ndirakobuta à l'Assemblée nationale ce jeudi 10 avril. Et le thé produit par le complexe théicole de Rwegura en commune Muruta de la province Kayanza n'est pas exporté depuis plus d'une semaine. Et les stocks sont aujourd'hui débordés. Et pour cause, l'ignorance d'une redevance qu'exige l'Office burundais des recettes OBR. Voilà pour le sommaire. Captez Isanganiro, écoutez la différence. L'administrateur de la commune Vianda, le superviseur communal de l'Agence nationale de gestion des stocks de sécurité alimentaire ANAGESA à Vianda et le gérant du stock de cette agence en zone Gitsiro de cette commune sont locataires de la prison d'Omhimba en mairie de Bujumbura depuis le soir de ce jeudi. Le cabinet du gouverneur de Bururi confirme leur arrestation par la brigade anticorruption. Tous les trois sont poursuivis pour détournement de plus de 22 millions de francs burundais, des fonds de l'État qui étaient destinés à l'achat des graines de maïs. Zeno Zambimana. Alexis Shimirimana, administrateur de la commune Vianda, Oreste Nzohabonayo, superviseur communal de l'Agence nationale de gestion du stock de sécurité alimentaire en ANAGESA en sigle, et Augustin Hakirutimana, gestionnaire du stock de l'ANAGESA en zone Gitsiro de cette même commune, sont locataires de la prison centrale d'Omhimba en mairie de Bujumbura depuis le soir de ce jeudi. Selon le cabinet du gouverneur de la province de Bururi, tous sont poursuivis par la brigade anticorruption pour détournement d'une somme de plus de 22 millions de francs burundais. Les fonds qui étaient destinés à l'achat des maïs pour le compte de l'ANAGESA, c'était l'année écoulée, après avoir transmis de faux rapports à l'ANAGESA. Les deux premiers avaient déclaré 13 tonnes collectées et conservées dans le stock sur la colline Kirungu, dans cette zone de Gitsiro. Mais les enquêtes menées par le responsable provincial de l'ANAGESA, en collaboration avec la police, ont montré qu'il n'y avait qu'une seule tonne dans ce stock. Ingénieur Eric Ndouayezu avait dans son rapport demandé que ces fonds correspondant à plus de 13 tonnes soient restitués, comme cela se trouve dans son rapport qu'il a adressé au gouverneur de la province de Bururi. Ce dernier a directement mis en place une commission chargée de mener des enquêtes sur ce cas. Le cabinet du gouverneur de la province de Bururi demande à la justice de tout faire pour que la vérité soit connue et que les coupables soient punis conformément à la loi. Depuis Bururi, Zenon Zabimara pour la radio Isanganiro. Certains parlementaires s'inquiètent du mensonge des rapports d'exécution de certains projets du gouvernement. Ils donnent l'exemple des travaux de pavage dans les quartiers urbains de la province de Tchankouzo qui n'ont même pas été réalisés à moitié, mais où le rapport montre qu'ils ont été réalisés à 100%. Ce ras-le-bol a été exprimé à l'Assemblée nationale ce jeudi 10 avril, quand le Premier ministre Gervain Ndirakobuta a présenté devant les députés et sénateurs le rapport de mise en œuvre du plan de travail et budget annuel pour le premier semestre, exercice 2024-2025. On fait le point avec Claude Itangishak. Les parlementaires déplorent que le rapport présente certains projets comme déjà réalisés, alors que sur terre, il y reste en cours. Ils donnent un exemple des travaux de pavage dans les provinces de Tchankouzo et Kayanza. Ce rapport montre que le projet de pavage au centre urbain de Tchankouzo a été réalisé à 100%, alors que même les travaux de traçage des caniveaux ne sont pas encore achevés comme je l'ai vu sur terrain. Je me suis demandé si ces travaux ont été finalisés dans une semaine. Donc, je dis cela pour montrer que ces travaux ne sont pas encore achevés. D'autres interpellent au Premier ministre de veiller chaque fois à ce que les rapports lui présentés par différents services correspondent à la réalité sur terrain. Avant-hier, j'étais là-bas et même les travaux de traçage des caniveaux avancent mal. Mais si on montre que ces travaux ont été réalisés à 100%, que vont penser les citoyens qui sont en train de nous suivre? Est-ce que le pavage concerne les travaux de traçage des caniveaux seulement? Donc, nous demandons alors de vérifier si les rapports qu'on vous donne coïncident avec les réalités sur terrain. Dans sa réponse, le premier ministre affirme que des erreurs ne peuvent pas manquer pour les rapports provenant de différents services, mais tranquillise que ces travaux de pavage vont bientôt être achevés car, pour lui, les moyens restent disponibles. La primature fait la synthèse des réalisations de différents ministères. Certaines erreurs peuvent se produire. Je tiens ici à tranquilliser la population, souligner que tous les travaux de pavage en cours seront achevés car le budget est disponible. Ce rapport de mise en œuvre du plan de travail et budget annuel montre que les travaux déjà réalisés pour le premier semestre de l'année budgétaire 2023-2024 s'élèvent à plus de 70% et le fonds consommé s'élève à plus de 67%. Merci Claude Itangishaka. Le thé produit par le complexe théicole de Rouégourou en commune Muruta de la province Kayanza n'est pas exporté depuis plus d'une semaine et les stocks sont aujourd'hui débordés pour cause de l'incompréhension sur une redevance de 20 dollars par heure exigée par l'Office burundais des recettes à Kayanza pour assister au chargement des camions qui transportent ce thé. Stanning Endakoumana, chargé de la communication à l'OBR, indique que ces frais sont régis par la loi sur la commercialisation des cultures industrielles dans les pays membres de la communauté est-africaine. Patrick Saint-Guillaume. Les désaccords qui se trouvent entre ces deux institutions publiques, dont l'Office burundais des recettes et agence Kayanza et le complexe théicole de Wigula implanté en commune Muruta de cette province, génèrent déjà des conséquences. Le complexe théicole de Wigula se trouve aujourd'hui dans des difficultés liées au manque des espaces de conservation du thé produit pour être exporté à l'étranger du pays. Richard Nahayo, gérant du complexe théicole de Wigula, indique que le hangar de stockage de cette culture industrielle est engorgé. Il fait savoir que le complexe théicole de Wigura a une capacité de conserver seulement 50 tonnes du thé et déplore qu'aujourd'hui, il est conservé à l'OTB Wigura 9067 tonnes et 165 kg. Consécutivement à ce problème lié à cet engorgement, ajoutait-il, on fait recours aux salles des réunions, au garage des véhicules pour la conservation du thé, ce qui peut, d'après le gérant du complexe théicole de Wigura, nuire à la qualité du thé. Richard Nahayo, gérant du complexe théicole de Wigura, indique que des camions qui transportaient le thé exporté en passant par Mombasa passe beaucoup du temps sur des files indiennes à l'OTB Guigou en attendant le chargement à cause du mauvais service que les agents de l'OBR à Kayanza rendent à son complexe théicole de Guigou. Le gérant de l'OTB Guigou se dit inquiet du paiement de ces 20 dollars par heure exigé par l'Office burundais des recettes pour assister à cette activité liée au chargement des camions qui exportent le thé produit à Guigou. D'autant plus que selon lui, la direction générale de l'Office du thé du Burundi n'a pas encore sorti une note relative standing Ndakumana, commissaire chargé de la communication en sein de l'OBR, indique que cette note n'est pas nécessaire car le paiement de ces 20 dollars se trouve noir sur blanc dans le règlement douanier régissant les taxes sur l'exportation des cultures industrielles dans les pays qui composent la communauté est-africaine. Le commissaire chargé de la communication en sein de l'OBR fait savoir qu'il va suivre de près cette question, surtout pour la protection de cette culture industrielle qu'est le thé. Depuis Kayanza, Patrick Nsengiu va pour la radio. Radio Isanganiro. Isanganiro, la radio de l'avenir. La police nationale du Burundi a montré à la presse ce vendredi un policier du grade d'adjudant-major accusé d'imiter la signature de l'inspecteur général de la police. Ainsi, il a pu procéder à des affectations des sous-officiers et agents de police dans divers services, à commencer par lui-même au commissariat des migrations. Pierre Ngourikiye, porte-parole du ministère de la Sécurité, lance un appel à la population de faire la vérification des documents suspects auprès des autorités habilitées à les délivrer. Suivez-le. Et vers la fin de ce mois de mars 2025, il y a eu un faux document qui a été partagé via WhatsApp. C'était une décision numéro 510.03/123 PNB du 21 mars 2025 portant affectation de certains sous-officiers et agents de la police nationale du Burundi. Le document a été suspecté parce que certains éléments montraient qu'il pouvait être un faux document et une enquête a été débutée immédiatement enfants. Et enquête qui a abouti le 2 avril 2025 à l'arrestation d'un sous-officier de police, adjudant-major de police, qui est accusé d'avoir fabriqué ce faux document pour affecter 9 autres policiers. En plus de lui-même, il s'était affecté à la police de l'air des frontières étrangères et œuvra à Kovero, à la frontière avec la Tanzanie. Il était le deuxième sur le document. Et il a été appréhendé après avoir exécuté. D'ailleurs, il a été appréhendé à Kovero même après avoir exécuté ce faux document. Il y a aussi 9 autres policiers qui avaient affecté ça et là dans les différents services de la police nationale du Burundi. Maintenant, alors, le dossier est terminé. Ici, à la police judiciaire, le suspect sera transféré avec le dossier au parquet pour la suite de l'enquête par le ministère de la Justice. Maintenant, l'appel que nous lançons aux destinataires de toutes ces communications, c'est d'approcher les services habilités à délivrer ces documents pour faire une vérification ou alors s'adresser à l'administration pour qu'on puisse donner toute la lumière sur ces documents qui sont suspects. Le problème de transport pendant la campagne électorale et le renforcement des capacités des mandataires des partis politiques sont quelques-unes des préoccupations des partenaires électoraux. Cela a été dit dans une rencontre de la Commission électorale nationale indépendante avec les partenaires électoraux ce 11 avril. Le président de la CENI, Prosper Naourgouamiye, affirme que la question du déplacement est d'une envergure nationale et que le gouvernement va s'en charger. On fait le point avec Brenda Irambona. À la technique, on me fait signe que le reportage n'est pas encore prêt. On passe à la chronique. Chronique. Les sanctions des auteurs de violences basées sur le genre ne sont pas proportionnelles à la gravité de l'infraction. La vice-présidente du collectif des associations féminines, CAFOB, fait savoir que l'emprisonnement va de 15 à 30 jours alors que les amendes sont comprises entre 10 et 50 000 francs burundais. Liliane Nijimbere estime que le voisinage devrait être aux côtés de la victime de ces violences et ne pas la rejeter. Plus de détails dans cette chronique préparée et présentée par Mireille Kanyang. Les violences basées sur le genre causent un préjudice notamment moral à la victime et sont de 3 ordres, selon des explications de la vice-présidente du collectif des ONG féminines CAFOB. On entend toute chose qui est dirigée contre une personne à raison de son acte et causa, donc un préjudice ou une souffrance physique, sexuelle, économique, y compris la menace, la contrainte ou la privation arbitraire de liberté, que ce soit dans la vie publique ou dans la vie privée. Selon toujours Liliane Nijimbere, c'est possible de prévenir les VBG passant par des sensibilisations. Oui, il est possible de prévenir ces genres de violences. Donc, pour les prévenir, on place toutes les mesures nécessaires dans la sensibilisation pour modifier le modèle de comportement socio-culturel de l'homme et de la femme dans le but d'éliminer les pratiques coutumières qui s'appuient sur l'infériorité ou la supériorité sur les stéréotypes. Dans différentes localités du pays, les victimes des VBG sont écartées par leur propre famille ou le voisinage, mais il faut plutôt se rapprocher de ces personnes, suggère Liliane Nijimbere. D'abord, il faut les écouter attentivement. Il y avait des relais communautaires. Ces relais communautaires sont là dans les communes. Donc, c'est-à-dire que ces relais communautaires doivent sensibiliser la population et les parents et aussi l'administration pour qu'il y ait l'intégration donc, de la jeune fille dans la communauté. Il y avait aussi des associations qui les accompagnent. Ces associations les accompagnent à les référer. Avec ces références, il y a aussi l'assistance médicale, il y a aussi l'assistance juridique et judiciaire. Il est toutefois regrettable, dit-elle, de voir les sanctions prévues par la loi de septembre 2016 sur les VBG, poursuit-elle. Ce sont des sanctions insignifiantes. Pour les auteurs des VBG, il est prévu une loi de 2016 qui punit toute personne qui est dans la cause des VBG. Cette punition ne suffit pas à elle seule parce que, par exemple, si on parle de violences sexuelles infligées aux jeunes filles, donc nous voyons que dans son article, on punit l'auteur avec 15 à 30 jours de prison avec une amende de 10 000 à 50 000. Donc, vous entendez vous aussi que cette punition ne concorde pas avec la faute commise. La vice-présidente du CAFOB suggère la révision de cette loi de 2016 en matière de répression des auteurs de CVBG pour que cette loi soit effectivement contraignante. Et ainsi se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi.